Deuxième chapitre. Dénombrement de mes bêtes. Continuons donc de procéder à la manière du grand romancier écossais, c'est-à-dire en faisant connaître nos personnages. Mais pour arriver à les connaître parfaitement, il faut que le lecteur ait l'obligeance de remonter à 7 ou 8 ans en arrière. Ils me trouveront à Monte Cristo. Comment Monte Cristo s'est-il appelé Monte Cristo? Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Je n'eusse pas eu cette fatuité. J'attendais un jour à dîner Mélingue, sa femme et ses 2 enfants. Monte Cristo était à peine sorti de terre et n'avait pas encore de nom. J'en avais indiqué, comme j'avais pu, le gisement à mes invités, mais pas si exactement que toute la chère famille pût venir à pied. Au Pec, elle prit une voiture. « Chez Monsieur Dumas, » dit Madame Mélingue. « Où cela, Monsieur Dumas ?» demanda le cocher. « Mais sur la route de Marly. » « Il y a 2 routes de Marly, celle d'en bas, celle d'en haut. »« Diable ! Laquelle ?»« Je ne sais pas. »« Mais enfin, est-ce que la maison de Monsieur Dumas n'a pas un nom ?»« Si fait, c'est le château de Monte Cristo. » On se mit en quête du château de Monte Cristo et on le trouva. Madame Mélingue me raconta l'anecdote. Depuis ce temps, la maison de Monsieur Dumas s'est appelée le château de Monte Cristo. Il est bon que, quand la postérité fera des recherches là-dessus, la postérité soit renseignée. J'habitais donc Monte Cristo. À part les visites que je recevais, je l'habitais seule. J'aime fort la solitude. La solitude, pour les gens qui savent l'apprécier, c'est non pas une maîtresse, mais une amante. Le premier besoin de l'homme qui travaille, et qui travaille beaucoup, c'est la solitude. La société est la distraction du corps. L'amour, l'occupation du cœur. La solitude, la religion de l'âme. Cependant, je n'aime pas la solitude seule. J'aime la solitude du paradis terrestre, c'est-à-dire la solitude peuplée d'animaux. Je déteste les bêtes, mais j'adore les animaux. Tout enfant, j'étais le plus grand dénicheur de nids, le plus grand coureur de marettes, le plus grand amateur de pipés de la forêt de Villers-Cotterêts. Voir mes mémoires et la vie et les aventures d'Ange Pitou. Il en résulte donc que dans ma solitude de Monte Cristo, sans avoir l'ingénuité ni le costume d'Adam, j'avais une réduction du paradis terrestre. J'avais, ou plutôt j'eus successivement, 5 chiens. Pritchard, Fanor, Turc, Caro et Tambo. J'avais un vautour, Diogène. J'avais 3 singes, l'un qui portait le nom d'un traducteur célèbre, l'autre le nom d'un romancier illustre, et le troisième, qui était une guenon, celui d'une actrice à succès. Vous comprendrez facilement les raisons de convenance qui me font vous taire ces sobriquets, presque tous appliqués à la suite de détails de la vie privée ou de ressemblances physiques. Or, comme l'a dit un grand publiciste, je vous dirai bien lequel, mais je crains de me tromper. La vie privée doit être murée. Nous appellerons, si vous le voulez, le traducteur Potiche, le romancier le dernier des Laides Manoir, et la guenon, Mademoiselle des Garcins. J'avais un grand perroquet bleu et rouge appelé Buvat. J'avais un perroquet vert et jaune appelé Papa Everard. J'avais un chat appelé Missouf, un faisan doré appelé Lucullus, enfin un coq appelé César. Voilà, je crois, l'énumération exacte des animaux qui peuplaient Monte Cristo. Plus un paon et sa ponne, 12 poules et 2 pintades, animaux que je ne place ici que pour mémoire, leur personnalité n'existant pas ou étant profondément médiocre. Il va sans dire que je ne parle point des chiens errants qui, passant par la route de Marly d'en haut ou de Marly d'en bas, entraient en passant, rencontraient Pritchard, Fanor, Turc, Caro ou Tambo, faisaient ou renouvelaient connaissance avec eux, et selon les lois de l'hospitalité arabe, que l'on reprochait en général aux propriétaires de Monte Cristo de suivre trop strictement, recevaient une hospitalité plus ou moins prolongée, mais qui n'était jamais limitée que par la fantaisie, le caprice, les besoins ou les affaires de ses hôtes à quatre pattes. Et maintenant, comme la destinée de quelques-uns des animaux habitants vers 1850, le paradis terrestre de Monte Cristo se trouve enchevêtré à celle d'autres animaux habitant la cour et le jardin de la maison que j'habite aujourd'hui rue d'Amsterdam, terminons cette longue liste de quadrupèdes, de quadrumanes et de volatiles par l'indication de mes nouveaux hôtes. Un coq de combat nommé Marlboro, deux mouettes nommées Monsieur et Madame Denis, un héron nommé Charlequin, une chienne nommée Flore, un chien nommé autrefois Katina et subséquemment Catilina. C'est à celui-ci que se rattache cette phrase caractéristique et que je suis fière d'avoir trouvée. Le chien que j'ai et les poules que j'avais. Mais avant d'arriver à cette histoire, que je garde naturellement pour la dernière, comme la plus dramatique et la plus intéressante, nous en avons pour un long temps, cher lecteur, à causer ensemble, puisqu'il s'agit simplement de vous exposer les biographies de Pritchard, de Fanor, de Turc, de Caro, de Tambo, de Diogène, de Potiche, du dernier des laides manoirs, de Mademoiselle des Garcins, de Missouf, de Buvat, de Papa Évrard, de Lucullus et de César. Commençons par l'histoire de Pritchard. À tout seigneur, tout honneur.